ne t'appartient pas. Oh my god. Posé dans le club, c'est la débauche. L'ambiance est joviale, même si t'as rien dans les poches. On est posé dans le club, mais on n'est pas pauvre. Toi tu portes, on a ton salaire dans le coffre. Maman André, viens accompagner, veut me faire des câlins, parce que je roule en Cayenne. Maman André, elle veut m'emballer, moi je l'ai barré. Pas de détails, pas de détails, viens pas m'embêter. Je crois qu'il est temps de faire des tâles pour l'été. Ton équipe est léguée, moi je suis dans les dalles. Tu n'es qu'un rigolo, c'est nous on tient les manettes. Si j'étais pas là, bon, t'aurais recalé. Un gamin en fait.